Chapitre 9. La famille royale prisonnière. Louis XVI et la famille royale, entourés de quelques serviteurs fidèles, avaient assisté du fond de la loge du logographe à toutes les péripéties de l'épouvantable drame. Le roi avait subi, avec le calme courage qui devait le suivre jusque sur l'échafaud, les outrages de la foule, les lâches invectives ou les trahisons de certains députés gorgés de ses bienfaits. Le décret de la déchéance l'avait trouvé impassible. On lisait sur son front la sérénité de son homme. Celui de Madame Élisabeth reflétait ses sentiments de pieuse résignation et de conformité à la volonté divine. Quant à la reine, il était facile de voir, à la dédaigneuse fierté de son attitude, qu'elle était au-dessus des injures de cette vile multitude et des caprices du sort. Vers 1 heure du matin, les inspecteurs de la salle vinrent retirer les augustes captifs de l'indigne réduit où ils avaient été enfermés pendant 17 heures. On les transporta dans un petit appartement de 3 pièces situé au premier étage, où ils purent goûter quelques instants de repos. À leur réveil, il leur fut permis de recevoir encore les soins de quelques-uns de leurs familiers. Les femmes de Marie-Antoinette pénétrèrent jusqu'à elles et fondirent en larmes en voyant la reine de France couchée sur un grabat dans une pauvre cellule et privée des objets les plus indispensables. La pitié de quelques amis dut venir en aide au dénuement royal. On rassembla à la hâte du linge et des vêtements. La reine, à laquelle un des héros de la précédente journée avait volé sa montre et sa chaîne, dans le trajet des Tuileries au Feuillant, emprunta la montre d'une autre de ses dames et pria sa première femme de chambre, Madame Augier, de lui prêter 25 louis. À 10 heures, la famille royale fut prévenue que l'assemblée exigeait de nouveau sa présence. Elle dut reprendre sa place de la veille et assister de nouveau aux incidents les plus douloureux et aux motions les plus sanguinaires. Rien ne lui fut épargné. Elle vida jusqu'au fond le calice d'amertume. L'assemblée avait décidé qu'un logement serait préparé au roi et à sa famille dans le palais du Luxembourg. Mais ce décret, qui semblait réserver au monarque déchu quelques signes apparents de grandeur, offusquait les hommes de la commune. Ce n'était pas un palais, c'était une prison qu'il prétendait donner à Louis XVI. Il ne pouvait, disait-il, répondre du roi dans une résidence aussi vaste que le Luxembourg, sous lequel, d'après la rumeur publique, existaient des souterrains propres à favoriser une évasion. L'assemblée décrète alors que le roi et sa famille seront transportés place Vendôme, à l'hôtel du ministère de la Justice, et qu'il le sera donné une garde placée sous la surveillance du maire et sous les ordres du commandant général. Nouvelle résistance de la part de la commune. Manuel Épétion se présente en son nom à la barre et demande que la famille royale soit transférée au temple, lieu entouré de hautes murailles et situé loin des agitations de la cité. L'assemblée a l'impudence de céder encore une fois aux injonctions de la commune. Après avoir rapporté son précédent décret, elle charge les représentants de la municipalité de pouvoir, sans délai et sous leur responsabilité, au logement de la famille royale, et de prendre toutes les mesures de sécurité que la sagesse et l'intérêt national pourraient en exiger. Dans la soirée du 13 août, vers 5 heures, 2 voitures de la cour vinrent chercher au Feuillant Louis XVI et sa famille. Pétion et Manuel s'assirent dans une attitude insolente et le chapeau sur la tête, en face de la reine et de Madame Élisabeth. La foule hurlait aux portières. Le cortège s'arrêta quelques instants sur la place Vendôme, au milieu des débris de la statue de Louis XIV brisée la veille, en vertu d'un décret de l'Assemblée nationale. Le marteau révolutionnaire avait également fait disparaître les statues de Henri IV, de Louis XIII, de Louis XV, ainsi que tous les emblèmes, bas-reliefs, inscriptions qui pouvaient rappeler le souvenir de la royauté. Les voitures suivirent les boulevards et s'arrêtèrent auprès d'un enclos qu'entourait de hauts murs garnis de créneaux. Au centre de cet enclos s'élevait un donjon composé d'un bâtiment carré, flanqué de 4 tourelles rondes. On nommait ce donjon la tour du Temple. Ce fut là que le descendant de Saint-Louis fit sa dernière station dans la voie douloureuse qu'il suivait depuis les journées d'octobre, et qui devait aboutir au calvaire du 21 janvier.